le bébé. Ça mesure. On passe en 32. J'arrive pas à régler ma guitare si elle est trop forte ou pas assez forte. Manque une basse. Basse. Ah, Martin va faire la basse. Martin, salut. chaussée. Somewhere I'm feeling terrible.